Le soleil donne 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je cours dans la forêt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je virevolte comme un feu follet. Je chante avec lui, c'est mercredi. Le soleil est entré dans mon cœur en matin de juillet. Je marche et je fredonnais les airs que je ne connaissais pas. Le soleil donne, je chante avec lui, c'est mercredi. Le soleil est entré en mon cœur un matin de juillet. Je marchais, je fredonnais des airs que je ne connaissais pas. Le soleil donne, je chante avec lui, c'est mercredi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Il donne les mêmes couleurs aux passants tendrement. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Un oiseau gazouillé se pose sur les seins de Marie-Laure. Le soleil est arrivé à la fenêtre de mes volets. Je déjeunais. En compagnie de croissants au beurre et de café noir, quand il m'a ébloui, la mer était au loin, mais j'y pensais pour m'y rafraîchir. Le soleil donne, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je cours dans la forêt, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je virevolte comme un feu follet.